Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode de 34. J'espère que vous allez bien. Mon intro est un peu weird, ça fait genre 4 fois que je la recommence, vous savez pas, mais ça fait 4 fois que je la recommence. C'est un petit peu veg ce matin, on est mercredi matin, on a enregistré Rétro Nouveau, épisode 133, je pense, hier. Couché tard, levé tôt, fait que c'est ça, c'est un petit peu les cernes qui coulent ici. Et puis, ça fait un bout que j'avais pas enregistré parce que dans le fond, j'étais en semaine de relâche en Beauce avec les enfants la semaine dernière. Et c'était bien agréable avec ma blonde aussi en passant, toute la petite famille. Je sais pas, on n'est pas séparés. Et puis, ouais, fait que ça a fait du bien de décrocher. Puis en Beauce, je suis allé faire mon bon vieux tour chez Free Game à Saint-Georges-de-Beauce. J'avais déjà annoncé, transféré la nouvelle sur ma page Facebook que le Free Game de Sainte-Marie-de-Beauce avait fermé ses portes. Donc, moi, quand je vais en Beauce, je vais à Saint-Joseph et puis à Saint-Georges, c'est à peu près, quoi, une demi-heure, même pas depuis maintenant que l'autoroute est rallongée, l'autoroute 173, je pense, l'autoroute de la Beauce. Et puis, c'est ça, donc, je suis allé faire mon petit tour là et puis il y avait une couple d'affaires, mais... Ça se renouvelle pas vraiment, hein, ce magasin-là. Moi, il me semble que je ferais le ménage là-dedans, là, tu sais. Mais la game a changé, puis pour eux, les cartes Magic, c'est genre 50% de leurs revenus, à ce que j'ai entendu le commis dire. Donc, puis ils font pas de vente en ligne, alors c'est pas... c'est ça, là, tu sais. Je sais pas s'il va fermer lui avec. Il y en a un à Thetford Mines. Thetford! Et puis, celui-là, c'est un petit peu plus loin, Thetford, que Saint-Georges, donc j'y vais moins souvent, tu sais, quand j'y vais, c'est plus un projet. Et puis, il y en a un sur la rive sud de Québec, la Saint-Nicolas, je pense, ou dans ces coins-là, là. Fait, ça, c'est le plus gros, je pense, c'est le premier, c'est la base. Donc, on verra qu'est-ce qui arrive avec cette franchise Free Game, assez surprenant. Mais je suis allé faire mon tour et puis j'ai rien trouvé pour moi, malheureusement. Il y avait un Evo CIB quand même, un Pikachu, Pokémon Yellow au Game Boy CB. En fait, il y avait le livret français, mais ça compte pas le livret français, c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà. Et puis je suis allé faire un tour au Miller Zoo. J'en ai parlé dans mon dernier épisode. Si vous avez écouté l'émission Un zoo pas comme les autres à TVA, je n'ai pas écouté cette émission-là. Mais je suis allé au Miller Zoo parce que je connais Clifford Miller parce que j'ai joué au hockey avec quand j'étais à Tôme. Et puis, d'aller au zoo, on a passé une super belle journée. Et puis, ce qu'il y a de le fun avec le zoo là-bas, c'est que les animaux, c'est accessible. T'sais, c'est pas gigantesque. Il y a deux lions, il y a un tigre, il y a des affaires, des tapirs. C'est un animal. Joke de Pérus. Il y a deux tapirs quand même, très rare. Et puis, ce qu'il y a de cool, c'est que t'es proche des animaux. Il y a deux castors, comme le bassin à castors, parce qu'ils sont en réhabilitation, là, je sais pas quoi, ils sont peut-être blessés ou whatever. Fait que, mais on est proche, tu sais, j'aurais pu le prendre dans mes mains. Là. Puis moi, quand je vais au fucking biodôme, je veux voir les castors en action, mais ils sont tout le temps couchés dans leur barrage, puis on va tout le temps dans une petite caméra, genre de deux tas, un tas de castors. Dans une mauvaise image, fait que c'est ça les castors. Donc là, man, j'avais des castors dans ma face, l'emblème du Canada. J'aurais pu les prendre, j'aurais aimé ça, j'avais envie de me ramener un castor à la maison. Ça, c'était cool. Et puis, les lions, man, il y a un lion, un vrai gros fucking lion, là, avec une crinière, un gros mâle. Et puis, une lionne qui est sortie un peu, fait qu'il nous expliquait ça, là, comment est-ce que... Mais c'est rendu big depuis qu'il a passé à la TV. Tu sais, comme le monde se font prendre en photo avec, c'est bien drôle. Fait qu'il expliquait tout ça à tout le monde sur place. Donc, c'était cool. Et puis, quand les photos, les autographes, tout a fini, ben là, je l'ai pris. Il était tout seul. Fait que, hey, on a joué au hockey, t'en rappelles-tu? Fait que, petite retrouvaille, là, c'était bien cool. Mais bravo, chapeau, quand on parle l'entrepreneuriat Beauceron. Ça, c'en est. C'est très intéressant. Alors, Miller Zoo à Saint-Édouard de Frampton, en Beauce. Et puis, ils vont bâtir un hôtel, là. C'est le prochain projet, là. Ça, je veux dire, ça explose, là, cette place-là. C'est très, très bien. Alors, allez voir ça si vous passez en Beauce ou bien faites le détour même. Allez en Beauce pour vos vacances. C'est pas cher. C'est tellement pas cher que je suis allé au cinéma Lumière à Sainte-Marie-de-Beauce pour aller voir le film de Pikachu. Voyons, j'arrête pas de dire Pikachu depuis tantôt. Je sais pas pourquoi. pour aller voir le film de Sonic. Et puis, j'ai beaucoup apprécié. Je pensais que ça allait être de la merde. Et puis, non, c'est très bien. Bravo Jim Carrey, comme il est ça à coche. Ça vaut la peine. Je veux pas m'étaler là-dessus, là, mais j'ai été très satisfait. Et ça a coûté juste 13$ pour moi et mon fils. Alors, c'est pas cher, pas cher. Donc, voilà, c'est pour ça que j'étais pas là. Et puis, là, je suis revenu. On est mercredi. Et puis, des grosses nouvelles. Notre copain Reggie, fils aimé, se joint au board de GameStop. Vous avez vu la nouvelle aussi. J'ai vu la nouvelle. C'est comme, c'est incroyable, ça. Ça fait drôle de voir Reggie ressortir comme ça. Donc, j'ai feuilleté des articles très rapides là, sur Polygon et puis, voyons, un autre site. Là, t'sais. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que GameStop va mal. Et puis, très mal même, avec des grosses pertes là, de 25%. Je pense que ça chiffre à 630 millions. Ça fait juste comme baisser d'année en année. Donc là, on appelle Reggie à la rescousse. En fait, je pense qu'ils ont mis tout le monde dehors sur le board. Le board étant les chefs, les décideurs, les actionnaires majoritaires. Et puis, c'est ça, c'était des vieux battes. Puis je pense qu'il y avait de la chicane un peu. Puis il y a eu du bordel. Puis ça fait vraiment longtemps qu'ils étaient là. Donc là, toute cette vieille garde-là serait partie. Et puis, Reggie est là. Il y a deux autres dudes, deux autres bonhommes qui sont des grosses têtes des grosses business américaines comme Walmart. Et puis, j'ai lu d'autres noms, des grosses chaînes américaines que je ne connais pas, à part Walmart. Mais tu sais, c'est tous des gros noms là, quand même. Et puis, Schweppes, Cadbury, tout ça. Et puis, ils vont être 10 encore sur le board. Fait qu'ils sont allés chercher un gros gars de gaming, des gars dans le retail qui ont de la grosse expérience. Et puis d'autres dudes, et puis ils se refont un board de 10 membres, et puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, je trouve ça bien intéressant. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Moi, je trouve ça intéressant de voir Reggie, tu sais. On aime tous voir Reggie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour freiner ça, GameStop? La chute, tu sais, parce que dans le fond, ils ont plus de vente physique de jeux, ou très peu, ce qui en reste, puis ça achève, on le sait tous. Déjà là, moi, personnellement, de ce que j'observe, je trouve qu'il y a une des trois consoles que c'est pas mal fini le temps des jeux physiques, là, tu sais, la Xbox One. Là, quand la Xbox One X Series X, Xbox va sortir, le physique, oublie ça, là, Game Pass, tout, c'est terminé pour cette console-là. Fait qu'il en reste rien que deux pour vendre des jeux physiques. La Switch, ça continue de bien aller. La PS4, nous autres, chez Retro Montréal, c'est correct, tu sais, mais c'est pas... on pourrait pas vivre de ça, là, disons, la vente de jeux Switch et PS4. Vraiment pas. Faudrait faire comme GameStop, vendre plein de cossins. Au lieu de ça, on fait du rétro. GameStop n'a pas, à mon avis, c'est trop gros pour qu'ils se lancent dans le rétro, tu sais. Il y a combien en a de magasins? Des milliers, là, vraiment. Puis ils en ferment continuellement. Mais faire du rétro pour une grosse chaîne comme ça, moi, j'y crois pas du tout. Je regarde qu'est-ce qu'on fait dans une journée. Je me suis levé un matin, puis là, j'ai fait deux évaluations. L'évaluation d'un dude qui nous envoie, genre, sa collection de RPG de PS1. Il y en a pour un value de 2000$, tu sais. Un autre gars qui nous envoie des affaires disparates, des Amiibo, des gars, tout, des jeux Atari, des Odyssey. Hier, c'est ça que j'évaluais hier, des Léger Vision, Coleco, Odyssey. Avant hier, des jeux de Super NES. Ça prend une expertise, ça prend du temps. Puis, vu que t'es une grosse, méga fucking entreprise, comment tu peux, comme, dépenser 1000$ de l'argent de l'entreprise pour acheter un lot sans être obligé de rendre des comptes? Tu comprends? Nous, c'est facile, là, on est trois ici. Puis, on est trois propriétaires de Retro Montréal. Puis, les trois, on sait comment évaluer. Les trois, on connaît le marché. Quand c'est vraiment huge, on se consulte un peu, mais tu sais, pour des lots à 1000$ ou whatever, là, tu sais, on se parle même plus, là, tu sais, achète-le, achète ou achète pas, on s'en fout. Ça roule, tu sais. Mais si nous, on avait des employés qui achetaient des lots à ce prix-là, tu sais, là, il faudrait qu'ils nous parlent. Ben, imagine ça, grandeur GameStop, là, tu sais. Puis en plus, il faut les nettoyer, ces jeux-là, il faut les tester, il faut les pricer comme il faut. Il faut les conseiller parce que le monde, quand il vient dans le magasin, ils nous parlent de vieux jeux, puis de nostalgie, puis tout ça. Fait que c'est pas juste genre, voici les jeux neufs de ce mois-ci, on te donne temps pour tes jeux usagés de la présente génération parce qu'on a déjà une feuille et c'est écrit dessus dans le système combien on doit te donner pour ça. Tout est une exception. C'est gérer de l'exception. C'est exceptionnel! Donc, tu peux pas, là. Moi, j'y crois pas du tout. GameStop ne peut pas se lancer dans le rétro, du moins à at large, là, tu sais. Fait que ça, c'est pas une solution. Il y a deux magasins test présentement, je crois, qui font une petite section gaming avec. Je pense que tu peux payer à l'heure, t'es assis là, tu games, il y a du monde qui jase avec toi, t'achètes un chip. Tu sais, mais comment est-ce que les profits de ça peuvent compenser, tu sais, l'achat de jeux massifs là, par jour? Là, tu sais, c'est ça qui. Tu sais, oui, tu fais combien de profits sur un sac de chips? 2 piastres. Et puis, combien tu charges de l'heure pour que le monde niaise dans ton magasin toute la journée? Là, tu sais, 5 piastres de l'heure, 10 piastres de l'heure, tu sais. Puis pendant que tu es là, toi, en tant qu'utilisateur de cet espace-là, ben. On essaye de te rentrer dans la gorge d'acheter des affaires, là, ce qui n'est pas si plaisant comme zone pour comme en tant que consommateur, dans le fond. Fait que j'y crois pas à ça non plus. Puis de toute façon, il faudrait qu'ils le fassent très at large. Est-ce qu'ils vont changer le nom GameStop? Est-ce qu'ils vont comme fermer 50% des magasins puis repimper tous les magasins qu'ils ont en magasins un petit peu plus variés avec un peu de rétro, avec un peu de section de gaming, tu sais, puis à quel coût ils vont faire ça. Moi, je pense qu'il y a un downfall inévitable de GameStop, et puis c'est pas que je souhaite ça parce que je suis là-dedans. GameStop, moi, dans un sens, ça m'aide parce que les gens qui vont chez GameStop, ils, avec leurs jeux rétro, GameStop nous les renvoie, tu sais. Ben, EB Games, hein, même affaire. Donc, c'est ça, ça nous vole pas de la... Ça, oui, on peut... Il y a un changement, je veux dire, le monde y achète des jeux neufs chez nous, des limited runs, affaires de même. Mais je pense pas qu'on tue pas les EB Games, nous autres, là tu sais. Fait que on prend un peu le marché local pour les jeux neufs. Puis c'est bien correct. Puis je veux dire, le Microplay le faisait, puis il est fermé. Donc il y a plein de places qui ferment, nous autres, on le fait un peu. Il y a aucun. Personne se fait du mal là-dedans entre nous et genre les EB Games de Montréal. Puis c'est ça, tu sais. Fait que. Moi, je m'en fous. Moi, ça me touche pas. Fait que je dis pas ça parce que je les haïs. Mais je pense que c'est inévitable ce qui va arriver avec ça. Puis à moins de remplir combien de pop tu peux mettre de plus dans ton magasin puis de toutou pour combler les pertes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça va être intéressant. Suivez le dossier. J'ai hâte de voir notre Reggie s'il va faire une sortie publique genre « Yeah! GameStop kick des culs! » Mais moi, je ferais ça à leur place. Rebranding, nouveau nom, nouveau tout, tu sais, comme... Ça serait intéressant. Donc, à suivre, c'était la seule nouvelle que je voulais mentionner aujourd'hui. Parce que j'ai d'autres choses à dire. Attendez-moi. J'avais oublié des petites choses. Donc, Fred Gémus, mon collègue à Rétro Nouveau et Rétro MTL, est allé au PAX East et puis il a eu bien du plaisir. Écoutez le dernier épisode de Rétro Nouveau pour toute l'explication. Mais il m'a ramené des choses. Il m'a ramené en fait un jeu Limited Run parce qu'il y avait un boot Limited Run là-bas. Et puis un jeu que je n'avais pas en version physique. Je l'avais juste téléchargé dans ma 3DS. C'est une série que j'aime beaucoup. Shantae and the Pirate's Curse. Donc, troisième de la série. T'as Shantae Risky's Revenge. Ça, c'est le 2 qui, je pense, est seulement disponible en téléchargement sur 3DS. Ça, c'est le troisième, Pirate's Curse. C'est le quatrième, Half Genie, Half Hero, dont j'ai le collecteur là-bas de Switch. Et puis, il y en a un nouveau qui s'en vient. Donc, bravo Shantae. Et puis, ben voilà, j'avais pas ce Limited Run-là. C'est très beau. J'ai déjà fait ce jeu-là, bien sûr. À l'époque, je l'avais téléchargé, puis j'ai eu bien du plaisir. Donc... J'avais pas ça, et maintenant je l'ai. C'est vraiment purement pour la collection, parce que j'ai fait ce jeu-là. Et puis, quand il se promenait là-bas, il m'a ramené des beaux flyers. Leur boot de Tribute Games était à côté de celui de Yacht Club. Donc, Yacht Club, ça, c'est Shovel Knight. Et puis, il m'a amené un beau flyer de Shovel Knight Pocket Dungeon, qui qui est un genre de puzzle game avec de l'attaque. Dans le fond, ça a l'air intéressant, mais je pense pas que ça va être tant mon genre. Shovel Knight Dig, qui est un jeu de creusage. Moi, j'aime ça, les jeux de creusage. Ça me fait penser à Steam World Dig, que j'adore, là, personnellement. J'adore vraiment cette série. Mr. Driller. Le creusage dans les jeux vidéo, c'est toujours bon. Donc, moi, j'ai hâte d'essayer ça. Et puis, ça, j'ai très, très hâte. Cyber Shadow. Ça, ça a l'air d'être un mix entre Shadow of the Ninja au NES et puis Ninja Gaiden et Batman, genre, pour tout l'environnement un peu apocalyptique, industriel, très Batmanesque dans les ennemis que je vois ici, puis les genres de fumes qui sortent du plancher pour te faire mal. Ça, c'est hot. Puis c'est ça, toutes les usines, les cheminées, tout ça. Et puis le personnage, il a vraiment de l'air de fonctionner comme dans Shadow of the Ninja. Donc moi, je suis hyped, ben raide pour ce jeu-là. Ça sort à l'automne 2020. Je veux une copie physique, bien sûr. J'espère qu'il va en avoir. Ça devrait. Maintenant, les copies physiques, ça roule, tu sais. En plus que Limited Run était sur place, on va sûrement aller les voir pour essayer de signer un genre de contrat pour avoir la permission de faire un jeu physique de ça. Ça va être très nice. Je sais pas si vous connaissez The Wonderful 101, qui est genre l'un des derniers jeux Wii U qui n'a pas été porté sur Switch. Il y a un Kickstarter qui existe parce que, genre, il y a du monde qui veulent porter ce jeu-là sur Switch. Et c'était un jeu à l'origine de Platinum Games. Donc, j'ai une petite carte postale ici. C'est très cute. Moi, j'avais joué à ce jeu-là rapidement dans un événement Nintendo, là, à la sortie de la Wii U, parce que c'était, genre, quasiment un launch title, ça, là. Et puis, ce qui se passe dans ce jeu-là, t'es plein de petits héros comme ça, puis tu gangs together pour attaquer des grosses bébites, là, finalement. Fait que je peux pas dire que j'ai joué beaucoup, mais si j'avais à collectionner la Wii U, ça serait définitivement dans ma collection. Et puis, je suis bien content de voir l'initiative de ça. C'est un jeu pas si connu, je me rends compte, et puis ça gagne à être connu. Et pour finir, un petit flyer, The Angry Video Game Nerd 1 and 2. Deluxe. Ça, c'est... J'ai joué au 1, moi, dans le temps. J'avais téléchargé sur 3DS et puis j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pas essayé le 2. Là, je sais pas qu'est-ce que ce flyer-là veut dire. Est-ce que ça veut dire... Ben, je sais que ça va dire qu'il va sortir un package avec tout ça et puis ça va être aussi repimpé HD, la difficulté ajustée, des affaires rebalancées. Donc, ça va être genre l'ultime compile. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une version physique de ça. S'il y en a une, j'achète. S'il n'y en a pas, j'achète pas, mais ça serait vraiment nice. Donc, moi, j'aimerais beaucoup ça dans ma collection Switch. Man, j'adore la Switch, là. C'est rendu comme une de mes consoles préférées. C'est celle à laquelle je joue le plus. Et puis, ma collection de jeux Switch, j'aime tellement collectionner là-dessus. Là, je veux Golf Story, juste le jeu. Là. Le collector, il est disponible chez tous les fournisseurs, tout le monde le vend. Tout le monde veut comme se débarrasser de cette patate chaude-là. Mais juste le jeu lui-même, je pense qu'il est rendu à peu près 100$ sur eBay. T'sais. C'est vraiment plus commun du tout. Et puis, il faut surveiller ça. J'aimerais bien ça avoir ça dans ma collection. Donc, je vais commencer à être attentif là-dessus. De toute façon, je suis déjà pas mal à jour dans mon collectionnage des autres affaires. J'ai plus de... Je veux finir mon set Game Boy, mais je ne vais pas fou avec rien. Donc, c'est ça. Je vais me concentrer un peu sur la Switch. Là, je vais faire des tests, je vais essayer des jeux. J'en revends un peu aussi des jeux que j'ai pas aimés. Mais c'est bien, bien le fun. Tout ça me... Ah non, il me reste... Ben oui, il me reste une grosse affaire ici. Je viens juste de mentionner le collectionnage des autres consoles. J'ai ma wishlist de Super NES qui est rendue à peu près à 8 jeux. Le plus gros étant Aero Fighters. Le shmup, ça vaut genre 800-900$. C'est le plus gros jeu qui me manque, dans le fond, dans ma collection pour être satisfait. Et puis, le deuxième plus gros jeu au Super NES qui me manquait et que je désirais est apparu sous forme de email à Retro Montréal cette semaine. Quelqu'un nous a écrit, il a dit « Hey, j'ai ce jeu-là, ça vous intéresse-tu? Combien vous m'offrez? » Puis là, j'étais... Là, j'ai dit un montant, puis il a dit « Ok, je vais passer demain et puis je vais apporter d'autres affaires aussi. » Fait qu'il est passé, il a emmené du 64, du Super NES, Des belles choses, tu sais, Kirby, Smash, au 64, tout ça. Mais au Super NES, c'était bien correct, mais il y avait juste genre, ce jeu-là qui sortait du lot. Et puis, on a acheté tout ça, il est content, on est content. Et j'ai gardé le jeu pour moi, bien sûr. Je coche une belle case dans mon wishlist de Super NES. Et le jeu est Super Turrican 2. Un jeu de Ocean, donc mon ami Eric Hébert qui fait un set Ocean. Il veut tous les jeux de Ocean. C'est un gros jeu qui lui manque. Désolé Eric, celui-là, je vais le garder par exemple. Et puis c'est un label made in Mexico. Hein. Si vous savez, les plus late release, les labels étaient faits au Mexique. Ben les cartes aussi dans le fond. Et puis c'est fragile les labels made in Mexico. Mais celui-là, il est comme top shape, là. Vraiment nice. Fait que Turrican est une série intéressante, une espèce de run and gun avec des guns que tu peux switcher, un peu comme Contra. Et puis j'ai le 1, je l'ai, Super Turrican au Super NES, mais j'ai pas joué parce que moi j'avais juste une NES Mini, une Super NES Mini, et puis c'est le seul jeu qui bug avec la Super NES Mini au niveau du son. Comme... Le son, il jam, tu sais. Tu peux jouer, mais pas de son, mettons. Fait que c'est vraiment désagréable. Fait que ça m'a jamais vraiment donné le goût de faire ça. Il l'a au Game Boy, il l'a au TurboGrafx 16. Je sais pas à quel point c'est un port pareil. Universal Soldiers au Game Boy et en fait Turrican 2. Alors, Turrican, man, ça existe, c'est intéressant. Je vais me pencher là-dessus. Je veux jouer à cette série-là comme faut. Ce jeu-là vaut environ... 280-300$. Donc, je vais y jouer hein, à ce prix-là. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui a de le fun avec le magasin. Tu sais, comme, bon, je veux ce jeu-là un moment donné, puis là, paf, ça apparaît. Done deal, tout le monde est content. Donc, ça me rend heureux d'avoir un magasin pour ça. Et puis, ça me rend heureux d'avoir un magasin aussi pour toutes les limited runs qu'on peut avoir. Et puis, je me suis pris Blasphemous. Puis je joue à ça, hostie, je capote. J'adore. C'est drôle parce que il y a des gens qui disaient que ce jeu-là était brisé, tu sais, au niveau du gameplay. Là, je sais pas, il y a eu une patch apparemment. Fait que moi, j'ai pas joué early, tu sais. J'ai joué à ça lorsque j'ai eu accès à la version physique. Donc, j'ai fait un upgrade quand je l'ai parti. Pas une mise à jour, excusez. Donc, peut-être qu'il y a une mise à jour qui a comme changé des choses, mais pour moi, ce jeu-là fonctionne parfaitement. Là. C'est très Castlevania-esque, dans le fond. Il n'y a pas de double jump. Tu jumps, tu grips à une main sur le bord des plateformes. Puis le monde se plaignait beaucoup de ça. Tu passes au travers des plateformes, genre le platforming est rough. T'sais. Puis il y en a beaucoup quand même, des plateformes là-dedans. Donc, mais moi, j'ai pas de problème, là. Je roule là-dedans, ça va numéro un. Donc, je comprends pas trop. Je pense pas que c'est parce que j'ai des talents spéciaux, là, tu sais. C'est-tu parce que j'ai joué à des jeux de marde de NES Broken dans ma vie, puis que j'arrive là-dessus, je trouve ça bien correct. Moi, je pense que si ce jeu-là était vraiment brisé, j'haïrais jouer à ça. Mais c'est tout le contraire, donc... Essayez-le. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème. Et puis, j'adore le lore, là. C'est l'église, là. C'est vraiment... C'est parfait, là, t'sais. C'est vraiment un Castlevania, Metroidvania, dans le fond. Plus lugubre, vraiment. T'sais, y a pas de musique. Ta-na-na, le Castlevania, c'est que du lugubre, que de l'église, que des martyrs partout, de la cruauté, t'sais. Puis, du monde qui souffre et puis qui veulent souffrir pour l'église, dans le... Puis il y a beaucoup de textes là-dedans, beaucoup de lore. Chaque item, il y a comme un paragraphe que tu peux lire sur ça, c'était le ça, à cause de telle personne qui s'est faite pendre un moment donné. Puis il a dit, man, il y en a du stock là-dedans. C'est vraiment cool. Moi, j'adore. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On arrive déjà à la moitié du spectacle environ. Ah, je vais m'étirer aussi. Juste un peu raqué. Vous voyez en arrière de moi, ça l'a changé ici. Je vais faire des photos éventuellement. Photos, pas des photos. Des photos, comme on dit en Beauce. En tout cas, moi, je dis ça. Et puis, j'ai acheté deux télés neuves. Donc, j'ai pu brancher toutes mes consoles analogues sur une nouvelle télé neuve que j'ai mis dans le sous-sol. Une fucking 65 pouces. C'est quasiment trop gros. Faut vraiment que je m'éloigne. En arrière ici, j'ai mis ma BVM. avec mon stock, là, tu sais. Donc, ça prend forme et puis ça me rend heureux. Ça a plus de sens dans le sous-sol présentement. C'est toujours un work in progress. J'ai pas descendu mon arcade, j'ai pas descendu le restant de mon armoire Nintendo parce que il y a encore de la glace dans les marches dehors, mais ça s'en vient. Et puis, ouais, ça n'a pas rapport, je voulais juste dire ça de même. Je voulais parler un peu de Verdun. Vous avez probablement vu passer le post de Arcade Montréal qu'on voulait... On envisageait... Excusez-moi. On envisageait ouvrir un autre commerce, un autre bar, une autre entité bar jeux vidéo à Verdun, dans le fond. Et puis, avant Noël, j'étais allé... J'ai passé la journée à faire la rue Wellington de long en large dans Verdun. J'ai rencontré un organisme qui s'occupe du développement de la rue Wellington. J'ai visité des locaux. J'ai spoté des locaux, zieuté des places. On est rentré dans un bar là-bas, un petit bar miteux avec des machines de poker vidéo. On a proposé au gars qu'on était peut-être intéressé de l'acheter. Tu sais, une journée bien chargée, là, dans le fond. Fait que c'est ça, tu sais. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est tous les actionnaires de Arcade Montréal, on est quatre, qui considéraient embarquer là-dedans. Et puis, plus deux autres personnes. Donc, on aurait comme redivisé les pourcentages à travers tout ce monde-là. Et puis, c'est ça. On visait Verdun parce qu'on dessert déjà le centre et l'est de la ville en étant dans le quartier latin. Verdun, c'est plus dans l'ouest. Et puis, les loyers sont trop chers dans le sud-ouest, là où est-ce qu'il y a le Burgundy Lion, et puis Joe Beef, et puis toutes ces affaires-là, pied de cochon, tu sais, ça, c'est... Oubliez ça, c'est, les loyers doivent être rendus à 10 000, là, ça n'a pas d'allure. Fait que, non, on n'a pas regardé dans ce coin-là, mais Verdun, on y croit, tu sais, il y a du monde. Quand t'es à Verdun, ça bouge, il y a du développement un peu, fait qu'on est allé voir. Et puis, il y a du potentiel, mais ce qu'on a fait avec Arcade Montréal, le bar qu'on a présentement, c'est qu'on a racheté un bar existant. Et puis, donc, le bar était construit, tout était construit, tu sais. Il restait juste à, comme, donner un coup de pinceau, ajuster une coupe d'affaires, mais tout était là, tu sais, comme la chambre froide pour mettre les kegs, le système de fût. Le DJ booth, le son, il y a un stage, il y a toutes les bancs, les chaises, le bar lui-même. Tu sais, comme la place est bâtie. Là. Ça a une valeur dans le fond. Fait que nous, on a acheté un bar existant, le Exit, et puis on a payé un prix pour ça. Fait que on a payé pour ce qu'il y avait dans la place. On a racheté le fonds de commerce. T'sais. Fait que d'acheter quelque chose de même d'existant, puis ce fonds de commerce-là, il avait été bâti lui-même, le Exit, avec des restants de d'autres bars, genre le système de caisse vient d'un autre bar qui fermait parce que notre partner là-dedans, qui était un gars de bar, avait trouvé des bons deals, fait qu'il avait bâti le Exit avec des bons deals ici et là. Fait que Arcade Montréal est bâti sur genre des bons deals dans un sens, fait qu'il est pas si cher que ça. Quand on l'aura... Ben, je dis pas si cher que ça, on parle de quelques centaines de milliers quand même, là. Fait que c'est pas rien. Et puis, mais tu sais, pour ce qu'on a, c'est un bon prix. Or, quand on va dans Verdun, il y en a pas des bars de même qu'on peut racheter à bon deal, qu'on peut comme reflipper, tu sais. Faut tout bâtir from scratch, tu sais. Faut prendre un des locaux qui était intéressant, c'était une lunetterie, là, présentement. Là. Fait qu'il faut tout démolir là-dedans, ce qui est quand même pas très long. Il faut construire une chambre froide, il faut installer des fûts, tout ce que j'ai énuméré tantôt. Et puis pour ce faire, il faut repayer des plans d'architecte, repayer des plans d'ingénieur, renvoyer des plans à la ville, il faut sûrement payer la ville pour d'autres gogosses, il faut attendre les permis. T'sais, tout ça, c'est des coûts supplémentaires dans le fond qui avaient déjà été faits pour notre présent bord. Donc, c'est beaucoup, là, tu sais. Si on parle que, mettons, Arcade Montréal vaut 200 000, ben bâtir une nouvelle place from scratch, ça va être le double, là, dans Verdun, tu sais. Ça va être 400 000, là, c'est sûr. Puis, pour rentabiliser, tu sais, oubliez jamais ça dans la vie, quand t'achètes de quoi, quand tu bâtis quelque chose, mettons, un commerce, tu sais, puis là, l'argent commence à rentrer, ben même si l'argent rentre, tu fais pas d'argent encore. Tu fais pas d'argent tant que tu n'as pas remboursé ton investissement, tu sais. Fait que pour rembourser notre investissement chez Arcade Montréal, nous quatre actionnaires, ça a pris environ un an et demi, tu sais. Donc, il faut que tu checkes ça. Mettons 200 000, rembourser cet investissement-là pour tout le monde, ça a pris un an et demi. Si on va dans Verdun et ça coûte 400 000, puis qu'il y a moins de monde, ça va nous prendre fucking 3 ans avant de rembourser ça, tu sais. Fait que, vous comprenez, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Puis on se base sur ça parce que notre partner du monde des bars connaît les propriétaires du Trèfle dans Hochelaga, sur Ontario, qui est un genre de Irish pub qui est très populaire dans Hochelaga, dans la promenade Ontario. Donc ça marche au bout. Et puis, je connais une des personnes là-dedans aussi. Et puis, dans le fond, eux, ils ont ouvert sur Wellington il y a un an et demi, à peu près 2 ans. Fait qu'on les a pokés. On leur a demandé comment ça se passe sur Wellington. Puis, ils nous ont dit que le monde se couchait de bonne heure. Puis que c'était quand même moins payant que de Hochelaga. Fait que là, ça nous a sonné une cloche. T'sais, parce que moi, c'est ça que j'avais peur un peu sur Wellington. Tout comme je pense rue Masson. Ici, à côté, j'habite genre, à côté de la rue Masson. C'est une rue avec beaucoup de commerces, beaucoup de restos, des cafés, des affaires. Mais c'est une rue de quartier, tu sais. Ici, sur Masson, on est comme un peu cloisonné. Il n'y a pas de métro proche. Il n'y a pas de... Tu sais, comme ce qui se passe sur Masson, c'est les résidents qui y vont. Tu sais, c'est eux autres qui font vivre les commerces de la rue Masson. Et puis, sur Wellington... J'ai peur de ça. Oui, il y a les métros, le métro de l'église, tu sais, tout ça, c'est parfait. Mais c'est quand même un peu un micro-univers, tu sais, qui, d'après moi, parle beaucoup aux gens de ce quartier-là. Et puis, ces gens-là, ils vont pas venir jouer à l'arcade à toutes les semaines puis se coucher tard tout le temps, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me fait peur, dans le fond. Pour que ça soit payant, il faut que le monde, ils boivent beaucoup, qu'ils veillent tard, qu'ils reviennent souvent. Puis vu que c'est une place que c'est les résidents qui sont supposés nous donner de l'argent, ben ça va peut-être rouler pas mal moins, tu sais. Parce que là, sur le quartier latin, présentement, dans le temps de Montréal, il y a des touristes, tu sais, il y a du monde qui marche, du comme « Hey, qu'est-ce que c'est ça ici? Il va l'essayer, tu sais. » On est vraiment bien situé, on est dans le buzz, là, tu sais, puis on... Mais à Verdun, on serait comme isolé. Fait que c'est ça qui nous fait peur un peu. On a comme l'impression qu'il y aurait vraiment moins de monde puis ça coûterait beaucoup plus cher. Fait que ça serait peut-être pas un bon deal. Donc, c'est ça. C'est ça qui nous fait peur un peu après avoir fait toutes ces analyses-là. Et puis, on a décidé, pour cette raison-là, de mettre le projet sur la glace. On va garder un œil ouvert sur d'autres... Tu sais, moi j'ai quand même envie de faire des choses et puis au moins un ou deux autres partners aussi d'Arcane Montréal. Plus, tu sais, y a les gens, ils ont le désir, mais Verdun, on le feel pas, tu sais. C'est trop un gros risque, ça serait pas une bonne idée. Donc, c'est ça. Donc, on va garder l'œil ouvert et puis si jamais il y a un autre bon deal, un bar qui ferme ou on a des contacts, on verra. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Moi personnellement, je suis un peu mélangé aussi au niveau personnel. Là, c'est le temps des impôts. J'ai pas reçu mon rapport d'impôt. Je sais pas si je paye l'impôt. Je sais pas si j'ai un bon retour d'impôt. Idéalement, j'aimerais avoir un retour d'impôt important pour me rebalancer un peu parce que ça va bientôt faire un an que j'ai quitté mon emploi pour travailler à temps plein chez Rétro Montréal, dans le fond, en tant qu'employé. Et puis que ma vie est dividende de mes deux commerces. Donc, j'ai pas d'autres revenus que ça. J'ai recommencé à faire des petits contrats de graphiste. Mais j'ai peur que tout ça, ça soit pas suffisant à cause du roulement de notre vie là, ici. Là. Tu sais, ça coûte cher. Là. Il a fallu payer le camp de jour un matin, là, de le hockey 3 contre 3. Tu sais, comme... En 2 jours, ça nous a coûté genre 1 000$ de trucs pour les enfants. Là, t'sais. Le frigo est pété, il faut acheter un autre frigo. La télé a pété. Man, les dépenses, ça n'arrête pas là, ces temps-ci. Fait que ça me fait peur un peu, pour être franc. Là. Ça va, j'ai aucune dette, j'ai du cash de côté, tout ça. Mais moi, je veux pas comme liquider ça puis descendre. T'sais, quand je vois qu'il y a beaucoup de dépenses, tout ça commence déjà à me rendre nerveux. Puis j'y pense en me couchant, puis là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je retourne travailler à temps plein. Je le considère pas mal, pour être franc. Et puis, j'aimerais ça, tant qu'à y être, être dans le monde des jeux. Je ne sais pas exactement comment je peux être dans le monde des jeux. Ça, on dirait que le monde des jeux, pour l'intégrer, ça prend des études là-dedans, puis un background. Mais, tu sais, ça fait comme quoi, 17 ans que je fais du design graphique. J'ai travaillé à bien des places. J'ai travaillé dans des petits bureaux. J'ai travaillé dans un bureau d'architecte. J'ai travaillé chez Juste pour rire, des agences. J'ai fait des pubs télé. J'ai fait... name it, là. J'ai touché à tout, tu sais, vraiment. Et puis, j'ai deux entreprises à mon actif qui fonctionnent super bien, pour lesquelles j'ai fait le branding et tout, que j'ai managé les médias sociaux de tout ça pendant des années. Arcade Montréal est rendu à bientôt 22 000 likes sur la page, c'est pas rien. Et puis, j'ai quoi, 15 employés, 15-20 employés présentement, je sais plus, on est rendu à combien à l'arcade avec ces deux business-là ensemble, tu sais, comme... On gère ça, je gère ça, tu sais, fait que c'est quand même de l'acquis, puis de l'expérience importante. Je sais pas comment en faire bénéficier une entreprise, mais moi, personnellement, quand je suis motivé, tu sais, je me donne 100 000 à l'heure, tu sais, fait que à quel point on peut rentrer ça dans une entreprise, je sais pas. J'ai plus envie d'aller dans une agence de pub, je veux rien savoir de ça. J'aurais vraiment plus envie d'aller du côté client. Parce que tu peux travailler dans une agence de pub puis faire des contrats, des mandats. Ben, sur place, tu fais des mandats pour plein de clients différents, tu sais, Desjardins, Pepsi, whatever, là, name it. Et puis, mais ça vient comme. C'est fatigant. J'ai 40 ans et puis c'est comme la créativité à côté dans le tapis. Il faut tout le temps être full pin là-dedans, être sa grosse coche. Puis, tu sais, j'ai quand même deux business à gérer un peu aussi. Puis. Puis j'ai peur que ça serait trop, là, tu sais, puis que je meure. Donc, je ne veux pas mourir tout de suite. J'aimerais bien aller du côté client. J'aimerais ça aller chez un client que j'aime son produit, j'aime son entreprise, puis je serais comme motivé à me donner, puis à les aider, à les faire grandir si je peux, tu sais, puis à faire le truc. C'est ça que je fais avec mon client principal à la pige depuis 10 ans, là, tu sais. J'en ai fait là, du visuel pour eux autres, puis... je les respecte beaucoup puis je les aime, mais en même temps, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, est-ce que je veux aussi travailler d'ici? Tu sais, je pense pas. J'ai envie de voir du monde un peu. J'ai envie de me reconnecter dans le monde du travail. Fait que je pense à ça. Tu sais, je suis en train de rebâtir mon portfolio un peu. Ça, c'est tellement long, là. Mais tu sais, en même temps que je fais ça, moi, je pense, la façon dont je fonctionne, j'y vais à l'instinct. Tu sais, si je suis en train d'essayer d'entreprendre de quoi, puis que je le feel pas, ou que ça me gosse, ou que je suis pas motivé à le faire, j'ai tendance à penser que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, t'sais, au lieu de me forcer plus. C'est pas que je suis lâche, c'est que si ça va contre nature, contre mon désir, ou que ça me fait rusher de faire ça, ça veut peut-être dire que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. T'sais. Donc là, faire mon portfolio, puis en fonction d'aller travailler dans une entreprise qui est pas en gaming, ça me tente comme pas, je suis comme pas si motivé à travailler sur mon portfolio. Est-ce que ça veut dire d'abord qu'il faut pas que je fasse ça, puis je suis aussi bien d'ouvrir une troisième entreprise, puis d'essayer d'avoir trois revenus qui combleraient, là, finalement? C'est tout ça que je devrais faire? Peut-être, tu sais, parce que ça me motive. En même temps, là, je suis cassé, fait que c'est dur de dire, m'ouvrir de quoi, m'a trouvé des partners, m'a dépensé 60 000 que je n'ai pas, m'a l'emprunté. Tu sais, c'était peurant, ça, là. Donc, mais c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, dans le fond. Parce que moi, le matin, ici, je me lève, je fais des évaluations de l'eau pour Retro Montréal, je réponds à mes petits contrats, whatever, je programme des posts Facebook pour l'arcade pour la semaine, je réponds à plein de messages, je fais de la paperasse, tu sais. Comment est-ce que je ferais ça en ayant un job à temps plein, tu sais, je sais pas trop. Donc, tu sais, déjà, je suis comme complètement... Ma tête est pleine, tu sais, rétro nouveau, tu sais, il faut qu'on... On avait juste ça, nous autres. Ce que je fais ce que je fais présentement, c'est pendant des heures ouvrables, tu sais. Donc, est-ce que je retourne travailler puis je mets un frein à bien des affaires juste pour me vider la tête? Je sais pas pantoute. Je sais pas pantoute, là, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, faut brasser des choses. Oui, je vais... J'ai checké un peu des jobs, j'ai commencé à poker des amis qui sont dans le domaine du jeu. J'ai comme, ils ont-tu besoin? Tu sais, comme, je pourrais sûrement aider. Tu sais, je vais commencer en bas de l'échelle, pas un gros salaire, puis je vais m'impliquer dans l'entreprise. Si j'aime l'entreprise, tu sais, on va faire de quoi, ça va me faire plaisir. Si ça fait pas, je m'en vais, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à faire ça un peu, puis je sais plus. Fait que les impôts vont en dire beaucoup sur ma situation prochaine, je vous dirais. Si je vois que je suis cassé, je vais me grouiller le cul. Si je vois que je survis, que c'est quand même pas pire, ben, je vais continuer de mettre le même linge genre, pour un autre 5 ans, et puis on verra. Hein? Je sais pas. Vous autres, faites quoi, vous, dans la vie? Êtes-vous content? Travaillez pour la même place depuis des années, est-ce que ça vous comble? Est-ce que c'est ça? Moi, peut-être que je suis difficilement comblable, je sais pas. En même temps, pas tant, tu sais, j'ai travaillé pour le même client pendant 10 ans à faire les mêmes projets année après année parce que c'était pas lourd, puis c'était correct, puis c'était un bon client. Fait que, tu sais, je suis très fidèle, là, dans un sens. C'est pas que je me tanne des places, c'est que j'ai le désir d'évolution, dans le fond. Fait que je pourrais pas être assis, là, puis, mettons, être graphiste pour le gouvernement ou Desjardins chez Desjardins, que ça soit pareil à tous les jours, tu sais, ça m'écœurerait. Mais je sais pas, j'ai comme besoin de ça, j'ai besoin d'excitement. Donc, on va voir. J'aimerais bien avoir une troisième entreprise, par exemple, Brassicole, l'univers de la bière, j'en parle souvent. Je ne sais pas ce que je vais faire. Continuez d'écouter mes beaux podcasts. Excusez. Pendant que je vous parle, je viens de voir popper un message ici dans mon écran. Donc, il va falloir que j'aille répondre à ça. Et puis, c'est ça. Donc, continuez d'écouter mon podcast. Ça me rend beaucoup heureux que vous le fassiez. Et puis, j'ai continué à avoir des commentaires très positifs sur mon épisode de mon expérience financière de vendre ma maison et d'acheter un plex. Et puis, là, j'ai skippé la semaine passée. Il y a du monde qui avait hâte que je revienne. Ça me rend sérieux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, vraiment, merci beaucoup. Faire évoluer ce projet-là ici, c'est quelque chose qui me tenterait aussi, peut-être avoir quelqu'un pour me relancer la balle de temps en temps, tu sais. Quoique je suis capable de parler tout seul de même, pour toujours, apparemment. Mais ça, c'est une autre affaire à quoi je pense, là, tu sais. Donc, on va voir. Je suis un peu perdu, pour être franc. Mais c'est correct d'être perdu dans la vie. Faut laisser aller, essayer des choses, et puis s'assurer qu'on n'est jamais vraiment dans la marde. Donc, surveillez la marde, surveillez ma page Facebook, et puis on se revoit très bientôt, chers amis. Merci beaucoup. Bye!